avec regret ou sans regret. J'ai fait avec ce que j'étais, un peu plus gentil que mauvais, moins généreux que je voulais. Un homme voyage avec sa vie, une poignée de femmes et d'amis, et cette violence qu'il porte en lui dès sa naissance et qui le suit. On dit que le Christ est divin, qu'il a changé de l'eau en vin. Qu'a-t-il fait pour l'homme de la rue, celui qui ne le connaît plus, oh, connaît plus. La fin n'est pas seulement la mort, c'est devant elle être assez fort. Crever la terre pour l'or caché, si l'or est noir, encore creusé. Tout faire pour tenir et durer, être un homme pour l'éternité, et tout au bout s'apercevoir que tout sur terre est provisoire, provisoire. Avec regret ou sans regret, les hommes ne sont plus ce qu'ils étaient. Les guerres se gagnaient dans un champ, deux uniformes, chacun son camp. Aujourd'hui tout le monde est soldat, les femmes et l'enfant au combat. Au nom d'un Dieu toujours absent, le diable n'en demandait pas tant, pas tant. Et nous n'en verrons pas la fin, la paix ne pacifie plus rien. Ça recommencera encore jusqu'à ce que le monde soit mort. Avec regret ou sans regret, j'ai fait avec ce que j'étais, un peu plus gentil que mauvais, moins généreux que je voulais. Un homme voyage avec sa vie, une poignée de femmes et d'amis, et cette violence qu'il porte en lui dès sa naissance et qui le suit. Avec regret ou sans regret.